rien à prendre, rien à mi, rien à tendre, rien à lui, rien à rendre, rien à prix, rien à voir, rien à moi, je sers de courir sans toi, rien à boire, rien à dire, rien à prix.